Carmen, par Prosper Mérimée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Carmen, par Prosper Mérimée. Chapitre 1. Passagini colus estin ecei dagathas tuo horas, tin mian entalamo, tin mian entanato. Paladas. J'avais toujours soupçonné les géographes de ne savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils placent le champ de bataille de Munda dans le pays des Bastulipeni, près de la moderne Munda, à quelque 2 lieues au nord de Marbella. D'après mes propres conjectures sur le texte de l'anonyme auteur du Bellum Hispaniense et quelques renseignements recueillis dans l'excellente bibliothèque du duc d'Osuna, je pensais qu'il fallait chercher aux environs de Montilla le lieu mémorable où, pour la dernière fois, César joua quitte ou double contre les champions de la République. Me trouvant en Andalousie au commencement de l'automne de 1830, je fis une assez longue excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Un mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus, je l'espère, aucune incertitude dans l'esprit de tous les archéologues de bonne foi. En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'Europe savante en suspens, je veux vous raconter une petite histoire. Elle ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de Munda. J'avais loué à Cordoue un guide et 2 chevaux, et m'étais mise en campagne avec les commentaires de César et quelques chemises pour tout bagage. Certains jours, errant dans la partie élevée de la plaine de Cachena, harassé de fatigue, mourant de soif, brûlé par un soleil de plomb, je donnais au diable de bon cœur César et les fils de Pompée, lorsque j'aperçus, assez loin du sentier que je suivais, une petite pelouse verte parsemée de joncs et de roseaux. Cela m'annonçait le voisinage d'une source. En effet, en m'approchant, je vis que la prétendue pelouse était un marécage où se perdait un ruisseau, sortant, comme il semblait, d'une gorge étroite entre 2 hauts contreforts de la Sierra de Cabra. Je conclus qu'en remontant, je trouverais de l'eau plus fraîche, moins de sangsues et de grenouilles, et peut-être un peu d'ombre au milieu des rochers. À l'entrée de la gorge, mon cheval hennit, et un autre cheval, que je ne voyais pas, lui répondit aussitôt. À peine eus-je fait 100 pas, que la gorge, s'élargissant tout à coup, me montra une espèce de cirque naturel parfaitement ombragé par la hauteur des escarpements qui l'entouraient. Il était impossible de rencontrer un lieu qui promît aux voyageurs une halte plus agréable. Au pied de rochers à pic, la source s'élançait en bouillonnant et tombait dans un petit bassin tapissé d'un sable blanc comme la neige. 5 à 6 beaux chênes verts, toujours à l'abri du vent et rafraîchis par la source, s'élevaient sur ses bords et la couvraient de leur épais ombrage. Enfin, autour du bassin, une herbe fine, lustrée, offrait un lit meilleur qu'on n'en eût trouvé dans aucune auberge à 10 lieues à la ronde. À moi n'appartenait pas l'honneur d'avoir découvert un si beau lieu. Un homme s'y reposait déjà, et sans doute dormait, lorsque j'y pénétrais. Réveillé par les hennissements, il s'était levé et s'était rapproché de son cheval, qui avait profité du sommeil de son maître pour faire un bon repas de l'herbe aux environs. C'était un jeune gaillard, de taille moyenne, mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier. Son teint, qui avait pu être beau, était devenu, par l'action du soleil, plus foncé que ses cheveux. D'une main il tenait le licol de sa monture, de l'autre une espingole de cuivre. J'avouerai que d'abord l'espingole et l'air farouche du porteur me surprirent quelque peu. Mais je ne croyais plus au voleur, à force d'en entendre parler et de n'en rencontrer jamais. D'ailleurs, j'avais vu tant d'honnêtes fermiers s'armer jusqu'aux dents pour aller au marché, que la vue d'une arme à feu ne m'autorisait pas à mettre en doute la moralité de l'inconnu. Et puis, me disais-je, que ferait-il de mes chemises et de mes commentaires Elzévir? Je saluai donc l'homme à l'espingole d'un signe de tête familier, et je lui demandai en souriant si j'avais troublé son sommeil. Sans me répondre, il me toisa de la tête aux pieds. Puis, comme satisfait de son examen, il considéra avec la même attention mon guide qui s'avançait. Je vis celui-ci pâlir et s'arrêter en montrant une terreur évidente. Mauvaise rencontre, me dis-je. Mais la prudence me conseilla aussitôt de ne laisser voir aucune inquiétude. Je mis pied à terre. Je dis au guide de débrider, et, m'agenouillant au bord de la source, j'y plongeai ma tête et mes mains. Puis je bus une gorgée, couché à plat ventre, comme les mauvais soldats de Gédéon. J'observai cependant mon guide et l'inconnu. Le premier s'approchait bien à contre-cœur. L'autre semblait n'avoir pas de mauvais dessein contre nous, car il avait rendu la liberté à son cheval, et son espingole, qu'il tenait d'abord horizontale, était maintenant dirigée vers la terre. Ne croyant pas devoir me formaliser du peu de cas qu'on avait paru faire de ma personne, je m'étendis sur l'herbe, et d'un air dégagé je demandai à l'homme à l'espingole s'il n'avait pas un briquet sur lui. En même temps, je tirai mon étui à cigare. L'inconnu, toujours sans parler, fouilla dans sa poche, prit son briquet et s'empressa de me faire du feu. Évidemment, il s'humanisait, car il s'assit en face de moi, toutefois sans quitter son arme. Mon cigare allumé, je choisis le meilleur de ceux qui me restaient et je lui demandai s'il fumait. « Oui, monsieur, » répondit-il. C'étaient les premiers mots qu'il faisait entendre et je remarquai qu'il ne prononçait pas l'ess à la manière andalouse. Note, les Andalous aspirent l'ess et la confondent dans la prononciation avec le c doux et le z que les Espagnols prononcent comme le th anglais. Sur le seul mot senior, on peut reconnaître un Andalou. Fin de la note. D'où je conclus que c'était un voyageur comme moi, moins archéologue seulement. Vous trouverez celui-ci assez bon, lui dis-je en lui présentant un véritable régalia de la Havane. Il me fit une légère inclination de tête, alluma son cigare au mien, me remercia d'un autre signe de tête, puis se mit à fumer avec l'apparence d'un très vif plaisir. Ah ! S'écria-t-il en laissant échapper lentement sa première bouffée par la bouche et les narines. Comme il y avait longtemps que je n'avais fumé ! En Espagne, un cigare donné et reçu établit des relations d'hospitalité, comme en Orient le partage du pain et du sel. Mon homme se montra plus causant que je ne l'avais espéré. D'ailleurs, bien qu'il se dît habitant du partido de Montilla, il paraissait connaître le pays assez mal. Il ne savait pas le nom de la charmante vallée où nous nous trouvions. Il ne pouvait nommer aucun village des alentours. Enfin, interrogé par moi s'il n'avait pas vu aux environs des murs détruits, de larges tuiles à rebords, des pierres sculptées, il confessa qu'il n'avait jamais fait attention à pareilles choses. En revanche, il se montra expert en matière de chevaux. Il critiqua le mien, ce qui n'était pas difficile, puis il me fit la généalogie du sien, qui sortait du fameux Arras de Cordoue. Noble animal, en effet, si dur à la fatigue, à ce que prétendait son maître, qu'il avait fait une fois 30 lieues dans un jour, au galop ou au grand trot. Au milieu de sa tirade, l'inconnu s'arrêta brusquement, comme surpris et fâché d'en avoir trop dit. « C'est que j'étais très pressé d'aller à Cordoue, » reprit-il avec quelque embarras. « J'avais à solliciter les juges pour un procès. » En parlant, il regardait mon guide Antonio, qui baissait les yeux. L'ombre et la source me charmèrent tellement que je me souvins de quelques tranches d'excellent jambon que mes amis de Montilla avaient mis dans la besace de mon guide. Je les fis apporter, et j'invitai l'étranger à prendre sa part de la collation impromptue. S'il n'avait pas fumé depuis longtemps, il me parut vraisemblable qu'il n'avait pas mangé depuis 48 heures au moins. Il dévorait comme un loup affamé. Je pensais que ma rencontre avait été providentielle pour le pauvre diable. Mon guide, cependant, mangeait peu, buvait encore moins, et ne parlait pas du tout, bien que depuis le commencement de notre voyage, il se fût révélé à moi comme un bavard sans pareil. La présence de notre hôte semblait le gêner, et une certaine méfiance les éloignait l'un de l'autre, sans que j'en devinasse positivement la cause. Déjà les dernières miettes du pain et du jambon avaient disparu. Nous avions fumé chacun un second cigare. J'ordonnai au guide de brider nos chevaux, et j'allais prendre congé de mon nouvel ami lorsqu'il me demanda où je comptais passer la nuit. Avant que j'eusse fait attention à un signe de mon guide, j'avais répondu que j'allais à la Venta del Cuervo. « Mauvais gîte pour une personne comme vous, monsieur. J'y vais, et, si vous me permettez de vous accompagner, nous ferons route ensemble. »« Très volontiers, » dis-je en montant à cheval. mon guide, qui me tenait l'étrier, me fit un nouveau signe des yeux. J'y répondis en haussant les épaules, comme pour l'assurer que j'étais parfaitement tranquille, et nous nous mîmes en chemin. Les signes mystérieux d'Antonio, son inquiétude, quelques mots échappés à l'inconnu, surtout sa course de 30 lieues et l'explication peu plausible qu'il en avait donnée, avaient déjà formé mon opinion sur le compte de mon compagnon de voyage. Je ne doutais pas que je n'eusse affaire à un contrebandier, peut-être à un voleur. Que m'importait ? Je connaissais assez le caractère espagnol pour être très sûr de n'avoir rien à craindre d'un homme qui avait mangé et fumé avec moi. Sa présence même était une protection assurée contre toute mauvaise rencontre. D'ailleurs, j'étais bien aise de savoir ce que c'est qu'un brigand. On n'en voit pas tous les jours, et il y a un certain charme à se trouver auprès d'un être dangereux, surtout lorsqu'on le sent doux et apprivoisé. J'espérais amener par degrés l'inconnu à me faire des confidences, et, malgré les clignements d'yeux de mon guide, je mis la conversation sur les voleurs de grand chemin. Bien entendu que j'en parlais avec respect. Il y avait alors en Andalousie un fameux bandit nommé José Maria, dont les exploits étaient dans toutes les bouches. « Si j'étais à côté de José Maria, » me disais-je. Je racontais les histoires que je savais de ce héros, toutes à sa louange d'ailleurs, et j'exprimais hautement mon admiration pour sa bravoure et sa générosité. « José Maria n'est qu'un drôle, » dit froidement l'étranger. « Se rend-il justice ou bien est-ce excès de modestie de sa part ?» me demandai-je mentalement. Car, à force de considérer mon compagnon, j'étais parvenu à lui appliquer le signalement de José Maria, que j'avais lu affiché aux portes de maintes villes d'Andalousie. Oui, c'est bien lui. Cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche, belles dents, les mains petites, une chemise fine, une veste de velours à boutons d'argent, des guêtres de peau blanche, un cheval bai. Plus de doute. Mais respectons son incognito. Nous arrivâmes à la Venta. Elle était telle qu'il me l'avait dépeinte, c'est-à-dire une des plus misérables que j'eusse encore rencontrées. Une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher. Sur une pierre plate, le feu se faisait au milieu de la chambre, et la fumée sortait par un trou pratiqué dans le toit, ou plutôt s'arrêtait, formant un nuage à quelques pieds au-dessus du sol. Le long du mur, on voyait étendues par terre 5 ou 6 vieilles couvertures de mulets. C'étaient les lits des voyageurs. À 20 pas de la maison, ou plutôt de l'unique pièce que je viens de décrire, s'élevait une espèce de hangar servant d'écurie. Dans ce charmant séjour, il n'y avait d'autres êtres humains, du moins pour le moment, qu'une vieille femme et une petite fille de 10 à 12 ans, toutes les deux de couleur de suie et vêtues d'horribles haillons. « Voilà tout ce qui reste, me dis-je, de la population de l'antique Muenda Baetica. Ô César, ô Sextus Pompée, que vous seriez surpris si vous reveniez au monde !» En apercevant mon compagnon, la vieille laissa échapper une exclamation de surprise. « Oh, Seigneur Don José ! » s'écria-t-elle. Don José fronça le sourcil et leva une main d'un geste d'autorité qui arrêta la vieille aussitôt. Je me tournai vers mon guide et, d'un signe imperceptible, je lui fis comprendre qu'il n'avait rien à m'apprendre sur le compte de l'homme avec qui j'allais passer la nuit. Le souper fut meilleur que je ne m'y attendais. On nous servit, sur une petite table haute d'un pied, un vieux coq fricassé avec du riz et force piments, puis des piments à l'huile, enfin du gazpacho, espèce de salade de piments. 3 plats ainsi épicés nous obligèrent de recourir souvent à une outre de vin de Montilla, qui se trouva délicieux. Après avoir mangé, avisant une mandoline accrochée contre la muraille, il y a partout des mandolines en Espagne, je demandai à la petite fille qui nous servait si elle savait en jouer. « Non, répondit-elle, mais Don José en joue si bien !»« Soyez assez bon, lui dis-je, pour me chanter quelque chose. J'aime à la passion votre musique nationale. » Je ne puis rien refuser à un monsieur si honnête qui me donne de si excellents cigares, s'écria Don José d'un air de bonne humeur. Et, s'étant fait donner la mandoline, il chanta en s'accompagnant. Sa voix était rude, mais pourtant agréable, l'air mélancolique et bizarre. Quant aux paroles, je n'en compris pas un mot. Si je ne me trompe, lui dis-je, ce n'est pas un air espagnol que vous venez de chanter. Cela ressemble aux orcicos que j'ai entendus dans les provinces. Note, les provinces privilégiées, jouissant de fueros particuliers, c'est-à-dire la Lava, la Biscaye, la Guipuscoa et une partie de la Navarre. Le basque est la langue du pays. Fin de la note. Et les paroles doivent être en langue basque. Oui, répondit Don José d'un air sombre. Il posa la mandoline à terre et, les bras croisés, il se mit à contempler le feu qui s'éteignait avec une singulière expression de tristesse. Éclairé par une lampe posée sur la petite table, sa figure, à la fois noble et farouche, me rappelait le Satan de Milton. Comme lui, peut-être, mon compagnon songeait au séjour qu'il avait quitté, à l'exil qu'il avait encouru par une faute. J'essayai de ranimer la conversation, mais il ne répondit pas, absorbé qu'il était dans ses tristes pensées. Déjà la vieille s'était couchée dans un coin de la salle, à l'abri d'une couverture trouée, tendue sur une corde. La petite fille l'avait suivie dans cette retraite réservée au beau sexe. Mon guide alors, se levant, m'invita à le suivre à l'écurie. Mais, à ce mot, Don José, comme réveillé en sursaut, lui demanda d'un ton brusque où il allait. « À l'écurie ?» répondit le guide. « Pourquoi faire ? Les chevaux ont à manger. Couche ici, monsieur le permettra. »« Je crains que le cheval de monsieur ne soit malade. Je voudrais que monsieur le vît. Peut-être saura-t-il ce qu'il faut lui faire. » Il était évident qu'Antonio voulait me parler en particulier. Mais je ne me souciais pas de donner des soupçons à Don José, et, au point où nous en étions, il me semblait que le meilleur parti à prendre était de montrer la plus grande confiance. Je répondis donc à Antonio que je n'entendais rien aux chevaux et que j'avais envie de dormir. Don José le suivit à l'écurie, d'où bientôt il revint seul. Il me dit que le cheval n'avait rien, mais que mon guide le trouvait un animal si précieux qu'il le frottait avec sa veste pour le faire transpirer et qu'il comptait passer la nuit dans cette douce occupation. Cependant, je m'étais étendu sur les couvertures de mulet, soigneusement enveloppées dans mon manteau, pour ne pas les toucher. Après m'avoir demandé pardon de la liberté qu'il prenait de se mettre auprès de moi, Don José se coucha devant la porte, non sans avoir renouvelé l'amorce de son espingole, qu'il eut soin de placer sous la besace qui lui servait d'oreiller. 5 minutes après nous être mutuellement souhaité le bonsoir, nous étions l'un et l'autre profondément endormis. Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil gîte. Mais, au bout d'une heure, de très désagréables démangeaisons m'arrachèrent à mon premier somme. Dès que j'en eus compris la nature, je me levai, persuadé qu'il valait mieux passer le reste de la nuit à la Belle Étoile que sous ce toit inhospitalier. Marchant sur la pointe du pied, je gagnai la porte, j'enjambai par-dessus la couche de Don José, qui dormait du sommeil du juste, et je fis si bien que je sortis de la maison sans qu'il s'éveillât. Auprès de la porte était un large banc de bois. Je m'étendis dessus et m'arrangeai de mon mieux pour achever ma nuit. J'allais fermer les yeux pour la seconde fois, quand il me sembla voir passer devant moi l'ombre d'un homme et l'ombre d'un cheval, marchant l'un et l'autre sans faire le moindre bruit. Je me mis sur mon séant et je crus reconnaître Antonio. Surpris de le voir hors de l'écurie à pareille heure, je me levai et marchai à sa rencontre. Il s'était arrêté, m'ayant aperçu d'abord. « Où est-il ? » me demanda Antonio à voix basse. « Dans la Venta, il dort, il n'a pas peur des punaises. Pourquoi donc emmenez-vous ce cheval ?» Je remarquai alors que, pour ne pas faire de bruit en sortant du hangar, Antonio avait soigneusement enveloppé les pieds de l'animal avec les débris d'une vieille couverture. « Parlez plus bas, » me dit Antonio. « Au nom de Dieu ! Vous ne savez pas qui est cet homme-là ? C'est José Navarro, le plus insigne bandit de l'Andalousie. Toute la journée, je vous ai fait des signes que vous n'avez pas voulu comprendre. »« Bandit ou non, que m'importe ? » répondis-je. « Il ne nous a pas volés, et je parierais qu'il n'en a pas envie. »« À la bonne heure, mais il y a 200 ducats pour qui le livrera. Je sais un poste de lancier à 1 lieue et demie d'ici, et avant qu'il soit jour, j'amènerai quelques gaillards solides. J'aurais pris son cheval, mais il est si méchant que nul que le Navarro ne peut en approcher. »« Que le diable vous emporte ! lui dis-je, quel mal vous a fait ce pauvre homme pour le dénoncer? D'ailleurs, êtes-vous sûr qu'il soit le brigand que vous dites? Parfaitement sûr. Tout à l'heure, il m'a suivi dans l'écurie et m'a dit « Tu as l'air de me connaître. Si tu dis à ce bon monsieur qui je suis, je te fais sauter la cervelle. Restez, monsieur, restez auprès de lui. Vous n'avez rien à craindre. Tant qu'il vous saura là, il ne se méfiera de rien. » Tout en parlant, nous nous étions déjà assez éloignés de la Venta pour qu'on ne pût entendre les fers du cheval. Antonio l'avait débarrassé en un clin d'œil des guenilles dont il lui avait enveloppé les pieds. Il se préparait à enfourcher sa monture. J'essayai prières et menaces pour le retenir. « Je suis un pauvre diable, monsieur, » me disait-il. « 200 ducats ne sont pas à perdre, surtout quand il s'agit de délivrer le pays de pareilles vermines. Mais prenez garde. Si le Navarro se réveille, il sautera sur son espingole et gare à vous. Moi, je suis trop avancé pour reculer. Arrangez-vous comme vous pourrez. » Le drôle était en selle. Il piqua des deux, et dans l'obscurité, je l'eus bientôt perdu de vue. J'étais fort irrité contre mon guide et passablement inquiet. Après un instant de réflexion, je me décidai et rentrai dans la Venta. Don José dormait encore, réparant sans doute en ce moment les fatigues et l'éveil de plusieurs journées aventureuses. Je fus obligé de le secouer rudement pour l'éveiller. Jamais je n'oublierai son regard farouche et le mouvement qu'il fit pour saisir son espingole, que, par mesure de précaution, j'avais mis à quelque distance de sa couche. « Monsieur, lui dis-je, je vous demande pardon de vous éveiller, mais j'ai une sotte question à vous faire. Seriez-vous bien aise de voir arriver ici une demi-douzaine de lanciers ?» Il sauta en pied, et d'une voix terrible, « Qui vous l'a dit ?» me demanda-t-il. « Peu importe d'où vient la vie, pourvu qu'il soit bon. » « Votre guide m'a trahi, mais il me le paiera. Où est-il ? » « Je ne sais. Dans l'écurie, je pense. Mais quelqu'un m'a dit... »« Qui vous a dit ? Ce ne peut être la vieille. » »« Quelqu'un que je ne connais pas. Sans plus de paroles, avez-vous, oui ou non, des motifs pour ne pas attendre les soldats ? Si vous en avez, ne perdez pas de temps. Sinon, bonsoir, et je vous demande pardon d'avoir interrompu votre sommeil. » « Ah, votre guide, votre guide ! » Je m'en étais méfié d'abord, mais son compte est bon. Adieu, monsieur. Dieu vous rende le service que je vous dois. Je ne suis pas tout à fait aussi mauvais que vous me croyez. Oui, il y a encore en moi quelque chose qui mérite la pitié d'un galant homme. Adieu, monsieur. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir m'acquitter envers vous. Pour prix du service que je vous ai rendu, promettez-moi, don José, de ne soupçonner personne, de ne pas songer à la vengeance. Tenez, voilà des cigares pour votre route. Bon voyage. » Et je lui tendis la main. Il me la serra sans répondre, prit son espingole et sa besace, et, après avoir dit quelques mots à la vieille dans un argot que je ne pus comprendre, il courut au hangar. Quelques instants après, je l'entendais galoper dans la campagne. Pour moi, je me recouchai sur mon banc, mais je ne me rendormis point. Je me demandais si j'avais eu raison de sauver de la potence un voleur, et peut-être un meurtrier, et cela seulement parce que j'avais mangé du jambon avec lui et du riz à la valencienne. N'avais-je pas trahi mon guide qui soutenait la cause des lois? Ne l'avais-je pas exposé à la vengeance d'un scélérat? Mais les devoirs de l'hospitalité! Préjugé de sauvage, me disais-je, j'aurai à répondre de tous les crimes que le bandit va commettre. Pourtant, est-ce un préjugé que cet instinct de conscience qui résiste à tous les raisonnements? Peut-être, dans la situation délicate où je me trouvais, ne pouvais-je m'en tirer sans remords. Je flottais encore dans la plus grande incertitude au sujet de la moralité de mon action, lorsque je vis paraître une demi-douzaine de cavaliers avec Antonio, qui se tenaient prudemment à l'arrière-garde. J'allai au-devant d'eux et les prévins que le bandit avait pris la fuite depuis plus de 2 heures. La vieille, interrogée par le brigadier, répondissait qu'elle connaissait le Navarro, mais que, vivant seule, elle n'aurait jamais osé risquer sa vie en le dénonçant. Elle ajouta que son habitude, lorsqu'il venait chez elle, était de partir toujours au milieu de la nuit. Pour moi, il me fallut aller, à quelques lieues de là, exhiber mon passeport et signer une déclaration devant un alcade, après quoi on me permit de reprendre mes recherches archéologiques. Antonio me gardait rancune, soupçonnant que c'était moi qui l'avais empêché de gagner les 200 ducats. Pourtant, nous nous séparâmes bons amis à Cordoue. Là, je lui donnai une gratification aussi forte que l'état de mes finances pouvait me le permettre. Fin du chapitre 1 de Carmen, enregistré par Nadine Ekerd-Boulet, à Copenhague, en août 2010. Chapitre 2 de Carmen, par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Je passais quelques jours à Cordoue. On m'avait indiqué certains manuscrits de la bibliothèque des Dominicains, où je devais trouver des renseignements intéressants sur l'antique Munda. Fort bien accueilli par les bons pères, je passais les journées dans leur couvent, et le soir je me promenais par la ville. À Cordoue, vers le coucher du soleil, il y a quantité d'oisifs sur le quai qui borde la rive droite du Guadalquivir. Là, on respire les émanations d'une tannerie qui conserve encore l'antique renommée du pays pour la préparation des cuirs. Mais, en revanche, on y jouit d'un spectacle qui a bien son mérite. Quelques minutes avant l'Angélus, un grand nombre de femmes se rassemblent sur le bord du fleuve, au bas du quai, lequel est assez élevé. Pas un homme n'oserait se mêler à cette troupe. Aussitôt que l'Angélus sonne, il est censé qu'il fait nuit. Au dernier coup de cloche, toutes ces femmes se déshabillent et entrent dans l'eau. Alors ce sont des cris, des rires, un tapage infernal. Du haut du quai, les hommes contemplent les baigneuses, écarquillent les yeux et ne voient pas grand-chose. Cependant, ces formes blanches et incertaines qui se dessinent sur le sombre azur du fleuve font travailler les esprits poétiques et, avec un peu d'imagination, il n'est pas difficile de se représenter Diane et ses nymphes au bain, sans avoir à craindre le sort d'Actéon. On m'a dit que quelques mauvais garnements se cotisèrent certains jours pour graisser la patte au sonneur de la cathédrale et lui faire sonner l'Angélus 20 minutes avant l'heure légale. Bien qu'il fît encore grand jour, les nymphes du Guadalquivir n'hésitèrent pas, et se fiant plus à l'Angélus qu'au soleil, elles firent en sûreté de conscience leur toilette de bain, qui est toujours des plus simples. Je n'y étais pas. De mon temps, le sonneur était incorruptible, le crépuscule peu clair, et un chat seulement aurait pu distinguer la plus vieille marchande d'orange de la plus jolie grisette de Cordoue. Un soir, à l'heure où l'on ne voit plus rien, je fumais, appuyé sur le parapet du quai, lorsqu'une femme, remontant l'escalier qui conduit à la rivière, vint s'asseoir près de moi. Elle avait dans les cheveux un gros bouquet de jasmin, dont les pétales exhalent le soir une odeur enivrante. Elle était simplement, peut-être pauvrement vêtue, tout en noir, comme la plupart des grisettes dans la soirée. Les femmes, comme il faut, ne portent le noir que le matin. Le soir, elles s'habillent à la francesa. En arrivant auprès de moi, ma baigneuse laissa glisser sur ses épaules la mantille qui lui couvrait la tête, et, à l'obscure clarté qui tombe des étoiles, je vis qu'elle était petite, jeune, bien faite, et qu'elle avait de très grands yeux. Je jetai mon cigare aussitôt. Elle comprit cette attention d'une politesse toute française, et se hâta de me dire qu'elle aimait beaucoup l'odeur du tabac, et que même elle fumait, quand elle trouvait des papelitos bien doux. Par bonheur, j'en avais de tels dans mon étui, et je m'empressai de lui en offrir. Elle daigna en prendre un, et l'alluma à un bout de corde enflammée qu'un enfant nous apporta moyennant un sou. Mêlant nos fumées, nous causâmes si longtemps, la belle baigneuse et moi, que nous nous trouvâmes presque seuls sur le quai. Je crus n'être point indiscret en lui offrant d'aller prendre des glaces à la Neveria, note, café pourvu d'une glacière, ou plutôt d'un dépôt de neige. En Espagne, il n'y a guère de village qui naisse à Neveria. Fin de la note. Après une hésitation modeste, elle accepta. Mais avant de se décider, elle désira savoir quelle heure il était. Je fis sonner ma montre, et cette sonnerie parut l'étonner beaucoup. « Quelles inventions on a chez vous, messieurs les étrangers? De quel pays êtes-vous, monsieur? Anglais, sans doute ?» Note. En Espagne, tout voyageur qui ne porte pas avec lui des échantillons de calicot ou de soierie passe pour un Anglais, inglesito. Il en est de même en Orient. Fin de la note. Français est votre grand serviteur. Et vous, mademoiselle ou madame, vous êtes probablement de Cordoue? Non. Vous êtes du moins andalouse. Il me semble le reconnaître à votre doux parler. Si vous remarquez si bien l'accent du monde, vous devez bien deviner qui je suis. Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis. J'avais appris cette métaphore, qui désigne l'Andalousie, de mon ami Francisco Sevilla, picador bien connu. Bah, le paradis, les gens d'ici disent qu'il n'est pas fait pour nous. Alors vous seriez donc mauresque ou... Je m'arrêtai, n'osant dire juive. Allons, allons, vous voyez bien que je suis bohémienne. Voulez-vous que je vous dise la bocci? Note, la bonne aventure. Fin de la note. Avez-vous entendu parler de la Carmencita? C'est moi. J'étais alors un tel mécréant, il y a de cela 15 ans, que je ne reculais pas d'horreur en me voyant à côté d'une sorcière. Bon, me dis-je, la semaine passée, j'ai soupé avec un voleur de grand chemin. Allons aujourd'hui prendre des classes avec une servante du diable. En voyage, il faut tout voir. J'avais encore un autre motif pour cultiver sa connaissance. Sortant du collège, je l'avouerai à ma honte, j'avais perdu quelque temps à étudier les sciences occultes, et même plusieurs fois j'avais tenté de conjurer l'esprit de ténèbres. Guéri depuis longtemps de la passion de semblables recherches, je n'en conservais pas moins un certain attrait de curiosité pour toutes les superstitions, et me faisais une fête d'apprendre jusqu'où s'était élevé l'art de la magie parmi les bohémiens. Tout en causant, nous étions entrés dans la Neveria, et nous étions assis à une petite table éclairée par une bougie renfermée dans un globe de verre. J'eus alors tout le loisir d'examiner ma gitana pendant que quelques honnêtes gens s'ébahissaient, en prenant leur glace, de me voir en si bonne compagnie. Je doute fort que Mademoiselle Carmen fût de race pure. Du moins, elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que j'ai jamais rencontrées. Pour qu'une femme soit belle, il faut, disent les Espagnols, qu'elle réunisse 36, ou, si l'on veut, qu'on puisse la définir au moyen de 10 adjectifs applicables chacun à 3 parties de sa personne. Par exemple, elle doit avoir 3 choses noires, les yeux, les paupières et les sourcils, 3 fines, les doigts, les lèvres, les cheveux, etc. Voyez Brantôme pour le reste. Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant de perfection. Sa peau, d'ailleurs parfaitement unie, approchait fort de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus. Ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir des dents plus blanches que des amandes sans leur peau. Ses cheveux, peut-être un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d'une description trop prolixe, je vous dirai en somme qu'à chaque défaut, elle réunissait une qualité qui ressortait peut-être plus fortement par le contraste. C'était une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d'abord, mais qu'on ne pouvait oublier. Ses yeux, surtout, avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n'ai trouvée depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c'est un dicton espagnol qui dénote une bonne observation. Si vous n'avez pas le temps d'aller au jardin des plantes pour étudier le regard d'un loup, considérez votre chat quand il guette un moineau. On sent qu'il eût été ridicule de se faire tirer la bonne aventure dans un café. Aussi, je priai la jolie sorcière de me permettre de l'accompagner à son domicile. Elle y consentit sans difficulté, mais elle voulut connaître encore la marche du temps et me pria de nouveau de faire sonner ma montre. « Est-elle vraiment d'or ?» dit-elle en la considérant avec une excessive attention. Quand nous nous remîmes en marche, il était nuit close. La plupart des boutiques étaient fermées et les rues presque désertes. Nous passâmes le pont du Guadalquivir et à l'extrémité du faubourg, nous nous arrêtâmes devant une maison qui n'avait nullement l'apparence d'un palais. Un enfant nous ouvrit. La bohémienne lui dit quelques mots dans une langue à moi inconnue, que je sus depuis être la Romanie, ou Chipkali, l'idiome des Gitanos. Aussitôt l'enfant disparut, nous laissant dans une chambre assez vaste, meublée d'une petite table, de 2 tabourets et d'un coffre. Je ne dois point oublier une jarre d'eau, un tas d'oranges et une botte d'oignons. Dès que nous fûmes seuls, la bohémienne tira de son coffre des cartes qui paraissaient avoir beaucoup servi, un aimant, un caméléon desséché et quelques autres objets nécessaires à son art. Puis elle me dit de faire la croix dans ma main gauche avec une pièce de monnaie, et les cérémonies magiques commencèrent. Il est inutile de vous rapporter ses prédictions, et, quant à sa manière d'opérer, il était évident qu'elle n'était pas sorcière à demi. Malheureusement, nous fûmes bientôt dérangés. La porte s'ouvrit tout à coup avec violence, et un homme, enveloppé jusqu'aux yeux dans un manteau brun, entra dans la chambre en apostrophant la bohémienne d'une façon peu gracieuse. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais le ton de sa voix indiquait qu'il était de fort mauvaise humeur. À sa vue, la gitana ne montra ni surprise ni colère, mais elle accourut à sa rencontre et, avec une volubilité extraordinaire, lui adressa quelques phrases dans la langue mystérieuse dont elle s'était déjà servie devant moi. Le mot de Pailo, souvent répété, était le seul mot que je comprisse. Je savais que les bohémiens désignent ainsi tout homme étranger à leur race. Supposant qu'il s'agissait de moi, je m'attendais à une explication délicate. Déjà j'avais la main sur le pied d'un des tabourets, et je syllogisais à part moi pour deviner le moment précis où il conviendrait de le jeter à la tête de l'intrus. Celui-ci repoussa rudement la bohémienne et s'avança vers moi. Puis, reculant d'un pas, « Ah, monsieur ! » dit-il, « c'est vous ! » Je le regardai à mon tour et reconnus mon ami Don José. En ce moment, je regrettais un peu de ne pas l'avoir laissé pendre. « Eh, c'est vous, mon brave ! » m'écriai-je en riant le moins jaune que je pus. « Vous avez interrompu, mademoiselle, au moment où elle m'annonçait des choses bien intéressantes. »« Toujours la même. Ça finira !» dit-il entre ses dents, attachant sur elle un regard farouche. Cependant, la bohémienne continuait à lui parler dans sa langue. Elle s'animait par degrés. Son œil s'injectait de sang et devenait terrible. Ses traits se contractaient, elle frappait du pied. Il me sembla qu'elle le pressait vivement de faire quelque chose à quoi il montrait de l'hésitation. Ce que c'était, je croyais ne le comprendre que trop, à la voir passer et repasser rapidement sa petite main sous son menton. J'étais tenté de croire qu'il s'agissait d'une gorge à couper, et j'avais quelques soupçons que cette gorge ne fût la mienne. À tout ce torrent d'éloquence, Don José ne répondit que par deux ou trois mots prononcés d'un ton bref. Alors la bohémienne lui lança un regard de profond mépris. Puis, s'asseyant à la turque dans un coin de la chambre, elle choisit une orange, l'appela et se mit à la manger. Don José me prit le bras, ouvrit la porte et me conduisit dans la rue. Nous fîmes environ 200 pas dans le plus profond silence. Puis, étendant la main, « Toujours tout droit, dit-il, et vous trouverez le pont. » Aussitôt, il me tourna le dos et s'éloigna rapidement. Je revins à mon auberge un peu penaud et d'assez mauvaise humeur. Le pire fut qu'en me déshabillant, je m'aperçus que ma montre me manquait. Diverses considérations m'empêchèrent d'aller la réclamer le lendemain ou de solliciter Monsieur le Corrigidor pour qu'il voulût bien la faire chercher. Je terminai mon travail sur le manuscrit des Dominicains et je partis pour Séville. Après plusieurs mois de courses errantes en Andalousie, je voulus retourner à Madrid et il me fallut repasser par Cordoue. Je n'avais pas l'intention d'y faire un long séjour, car j'avais pris en grippe cette belle ville et les baigneuses du Guadalquivir. Cependant, quelques amis à revoir, quelques commissions à faire devaient me retenir au moins 3 ou 4 jours dans l'antique capitale des princes musulmans. Dès que je reparus au couvent des Dominicains, un des pères qui m'avait toujours montré un vif intérêt dans mes recherches sur l'emplacement de Munda m'accueillit les bras ouverts en s'écriant « Loué soit le nom de Dieu! Soyez le bienvenu, mon cher ami! Nous vous croyons tous morts, et moi, qui vous parle, j'ai récité bien des patères et des avés, que je ne regrette pas, pour le salut de votre âme. Ainsi vous n'êtes pas assassiné, car pour voler nous savons que vous l'êtes. » « Comment cela ? » lui demandai-je un peu surpris. « Oui, vous savez bien, cette belle montre à répétition que vous faisiez sonner dans la bibliothèque, quand nous vous disions qu'il était temps d'aller au cœur. Eh bien, elle est retrouvée, on vous la rendra. »« C'est-à-dire, interrompis-je un peu décontenancé, que je l'avais égarée. Le coquin est sous les verrous, et, comme on savait qu'il était homme à tirer un coup de fusil à un chrétien pour lui prendre une piécette, nous mourions de peur qu'il ne vous eût tué. J'irai avec vous chez le corrigidor, et nous vous ferons rendre votre belle montre. Et puis, avisez-vous de dire là-bas que la justice ne sait pas son métier en Espagne. » Je vous avoue, lui dis-je, que j'aimerais mieux perdre ma montre que de témoigner en justice pour faire pendre un pauvre diable, surtout parce que... Oh, n'ayez aucune inquiétude, il est bien recommandé, et on ne peut le pendre deux fois. Quand je dis pendre, je me trompe. C'est un hidalgo que votre voleur. Il sera donc garrotté après-demain, sans rémission. Note. En 1830, la noblesse jouissait encore de ce privilège. Aujourd'hui, sous le régime constitutionnel, les vilains ont conquis le droit aux garrottes. Fin de la note. Vous voyez qu'un vol de plus ou de moins ne changera rien à son affaire. Plût à Dieu qu'il n'eût que volé, mais il a commis plusieurs meurtres, tous plus horribles les uns que les autres. Comment se nomme-t-il ? On le connaît dans le pays sous le nom de José Navarro, mais il a encore un autre nom basque que ni vous ni moi ne prononcerons jamais. Tenez, c'est un homme à voir, et vous qui aimez à connaître les singularités du pays, vous ne devez pas négliger d'apprendre comment en Espagne les coquins sortent de ce monde. Il est en chapelle, et le père Martinez vous y conduira. Mon dominicain insista tellement pour que je visse les apprêts du petit pendement Pianchioli que je ne pus m'en défendre. J'allai voir le prisonnier, muni d'un paquet de cigares qui, je l'espérais, devait lui faire excuser mon indiscrétion. On m'introduisit auprès de Don José au moment où il prenait son repas. Il me fit un signe de tête assez froid et me remercia poliment du cadeau que je lui apportais. Après avoir compté les cigares du paquet que j'avais mis entre ses mains, il en choisit un certain nombre et me rendit le reste, observant qu'il n'avait pas besoin d'en prendre davantage. Je lui demandai si, avec un peu d'argent, ou par le crédit de mes amis, je pourrais obtenir quelque adoucissement à son sort. D'abord, il haussa les épaules en souriant avec tristesse. Bientôt, se ravisant, il me pria de faire dire une messe pour le salut de son âme. « Voudriez-vous, ajouta-t-il timidement, voudriez-vous en faire dire une autre pour une personne qui vous a offensé ?»« Assurément, mon cher, lui dis-je, mais personne que je sache ne m'a offensé en ce pays. » Il me prit la main et la serra d'un air grave. Après un moment de silence, il reprit. « Oserais-je encore vous demander un service ? Quand vous reviendrez dans votre pays, peut-être passerez-vous par la Navarre. Au moins vous passerez par Vitoria, qui n'en est pas fort éloigné. » « Oui, lui dis-je, je passerai certainement par Vitoria. Mais il n'est pas impossible que je me détourne pour aller à Pamplune. Et, à cause de vous, je crois que je ferai volontiers ce détour. » Eh bien, si vous allez à Pamplune, vous y verrez plus d'une chose qui vous intéressera. C'est une belle ville. Je vous donnerai cette médaille. Il me montrait une petite médaille d'argent qu'il portait au cou. Vous l'envelopperez dans du papier. Il s'arrêta un instant pour maîtriser son émotion. Et vous la remettrez, ou vous la ferez remettre, à une bonne femme dont je vous dirai l'adresse. Vous direz que je suis mort, vous ne direz pas comment. Je promis d'exécuter sa commission. Je le revis le lendemain, et je passai une partie de la journée avec lui. C'est de sa bouche que j'ai appris les tristes aventures qu'on va lire. Fin du chapitre 2 de Carmen. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en août 2010. Chapitre 3 de Carmen, par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3, première partie. « Je suis né, dit-il, à Elizondo, dans la vallée de Bastan. Je m'appelle Don José Lizarrabengoa, et vous connaissez assez l'Espagne, monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je suis basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c'est que j'en ai le droit, et si j'étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur parchemin. On voulait que je fusse d'église, et l'on me fit étudier. Mais je ne profitais guère. J'aimais trop à jouer à la paume, c'est ce qui m'a perdu. Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais, nous oublions tout. Un jour que j'avais gagné, un gars de la Lava me chercha querelle. Nous prîmes nos maquilas, note, bâton ferré des Basques, fin de la note, et j'eus encore l'avantage. Mais cela m'obligea de quitter le pays. Je rencontrai des dragons et je m'engageai dans le régiment d'Almanza, cavalerie. Les gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins bientôt brigadier, et on me promettait de me faire maréchal des logis, quand, pour mon malheur, on me mit de garde à la manufacture de tabac à Séville. Si vous êtes allé à Séville, vous aurez vu ce grand bâtiment-là, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble en voir encore la porte et le corps de garde auprès. Quand ils sont de service, les Espagnols jouent aux cartes ou dorment. Moi, comme un franc navarrais, je tâchais toujours de m'occuper. Je faisais une chaîne avec du fil de laiton pour tenir mon épinglette. Tout d'un coup, les camarades disent « Voilà la cloche qui sonne, les filles vont rentrer à l'ouvrage !» Vous saurez, monsieur, qu'il y a bien 400 à 500 femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui roulent les cigares dans une grande salle, où les hommes n'entrent pas sans une permission du 24, note, magistrat chargé de la police et de l'administration municipale, fin de la note, parce qu'elles se mettent à leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. À l'heure où les ouvrières rentrent, après leur dîner, bien des jeunes gens vont les voir passer et leur en comptent de toutes les couleurs. Il y a peu de ces demoiselles qui refusent une mantille de taffetas, et les amateurs, à cette pêche-là, n'ont qu'à se baisser pour prendre le poisson. Pendant que les autres regardaient, moi, je restais sur mon banc, près de la porte. J'étais jeune alors, je pensais toujours au pays, et je ne croyais pas qu'il y eût de jolies filles sans jupe bleue et sans nattes tombant sur les épaules. Note, costume ordinaire des paysannes de la Navarre et des provinces basques. Fin de la note. D'ailleurs, les Andalouses me faisaient peur. Je n'étais pas encore fait à leur manière, toujours à railler, jamais un mot de raison. J'étais donc le nez sur ma chaîne quand j'entends des bourgeois qui disaient « Voilà la gitanilla !» Je levai les yeux et je la vis. C'était un vendredi et je ne l'oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois. Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blanc avec plus d'un trou et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassis dans le coin de la bouche et elle s'avançait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville, chacun lui adressait quelques compliments gaillards sur sa tournure. Elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisses, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord, elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage. Mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle, et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole. « Compère, me dit-elle à la façon andalouse, « veux-tu me donner ta chaîne pour tenir les clés de mon coffre-fort ?»« C'est pour attacher mon épinglette, » lui répondis-je. « Ton épinglette ? » s'écria-t-elle en riant. « Ah, monsieur fait de la dentelle puisqu'il a besoin d'épingles !» Tout le monde qui était là se mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais trouver rien à lui répondre. « Allons, mon cœur, » reprit-elle, « fais-moi 7 aunes de dentelle noire pour une mantille, épinglier de mon âme. » Et prenant la fleur de cassis qu'elle avait à la bouche, elle me la lança, d'un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux. Monsieur, cela me fit l'effet d'une balle qui m'arrivait. Je ne savais où me fourrer. Je demeurais immobile comme une planche. Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassis qui était tombée à terre entre mes pieds. Je ne sais ce qui me prit, mais je la ramassai sans que mes camarades s'en aperçussent, et je la mis précieusement dans ma veste. Première sottise. 2 ou 3 heures après, j'y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un portier tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée et qu'il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de prendre 2 hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entrée dans la salle, je trouve d'abord 300 femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une, les 4 fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer en 2 coups de couteau. En face de la blessée, que secouraient les meilleurs de la bande, je vois Carmen tenue par 5 ou 6 commères. La femme blessée criait « Confession, confession, je suis morte !» Carmen ne disait rien. Elle serrait les dents et roulait des yeux comme un caméléon. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. J'eus grand-peine à savoir ce qui s'était passé, car toutes les ouvrières me parlaient à la fois. Il paraît que la femme blessée s'était vantée d'avoir assez d'argent en poche pour acheter un âne au marché de Triana. « Tiens, » dit Carmen qui avait une langue, « tu n'as donc pas assez d'un balai ?» L'autre, blessée du reproche, peut-être parce qu'elle se sentait véreuse sur l'article, lui répond qu'elle ne se connaissait pas en balai, n'ayant pas l'honneur d'être bohémienne ni filleule de Satan, mais que Mademoiselle Carmencita ferait bientôt connaissance avec son âne quand Monsieur le Corégidor la mènerait à la promenade avec 2 laquais par derrière pour l'émoucher. « Eh bien, moi, » dit Carmen, « je te ferai des abreuvoirs à mouches sur la joue et je veux y peindre un damier. » Note. Pinta un ravecue. Peindre un chébec. Les chébecs espagnols ont, pour la plupart, leurs bandes peintes à carreaux rouges et blancs. Fin de la note. Là-dessus, vli vlan, elle commence, avec le couteau dont elle coupait le bout des cigares, à lui dessiner des croix de Saint-André sur la figure. Le cas était clair. Je pris Carmen par le bras. « Ma sœur, lui dis-je poliment, il faut me suivre. » Elle me lança un regard comme si elle me reconnaissait. Mais elle dit d'un air résigné, « Marchons. Où est ma mantille ?» Elle la mit sur sa tête de façon à ne montrer qu'un seul de ses grands yeux et suivit mes 2 hommes, douces comme un mouton. Arrivés au corps de garde, le maréchal des logis dit que c'était grave et qu'il fallait la mener à la prison. C'était encore moi qui devais la conduire. Je la mis entre 2 dragons et je marchais derrière comme un brigadier doit faire en semblable rencontre. Nous nous mîmes en route pour la ville. D'abord, la bohémienne avait gardé le silence. Mais dans la rue du Serpent, vous la connaissez, elle mérite bien son nom par les détours qu'elle fait. Dans la rue du Serpent, elle commence par laisser tomber sa mantille sur ses épaules afin de me montrer son minois enjôleur et, se tournant vers moi autant qu'elle pouvait, elle me dit « Mon officier, où me menez-vous » « À la prison, ma pauvre enfant, » lui répondis-je le plus doucement que je pus, comme un bon soldat doit parler à un prisonnier, surtout à une femme. « Hélas, que deviendrai-je ? Seigneur officier, ayez pitié de moi. Vous êtes si jeune, si gentil. » Puis, d'un ton plus bas, « Laissez-moi m'échapper, » dit-elle. « Je vous donnerai un morceau de la Barlacci, qui vous fera aimer de toutes les femmes. » La Barlacci, monsieur, c'est la pierre d'aimant avec laquelle les bohémiens prétendent qu'on fait quantité de sortilèges quand on sait s'en servir. Faites-en boire à une femme une pincée râpée dans un verre de vin blanc, elle ne résiste plus. Moi, je lui répondis le plus sérieusement que je pus. Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes. Il faut aller à la prison, c'est la consigne, et il n'y a pas de remède. Nous autres gens du Pays Basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement des Espagnols. En revanche, il n'y en a pas un qui puisse seulement apprendre à dire « Pai Raona ». Note « Oui, monsieur ». Fin de la note. Carmen donc n'eut pas de peine à deviner que je venais des provinces. Vous saurez que les bohémiens, monsieur, comme n'étant d'aucun pays, voyageant toujours, parlent toutes les langues, et la plupart sont chez eux en Portugal, en France, dans les provinces, en Catalogne, partout. Même avec les Maures et les Anglais, ils se font entendre. Carmen savait assez bien le basque. « Laguna, enebiotza reina, camarade de mon cœur, » me dit-elle tout à coup. « Êtes-vous du pays ?»« Notre langue, monsieur, est si belle que, lorsque nous l'entendons en pays étranger, cela nous fait tressaillir. » « Je voudrais avoir un confesseur des provinces, » ajouta plus bas le bandit. Il reprit après un silence. « Je suis d'Elizondo, » lui répondit Jean Basque, fort ému de l'entendre parler ma langue. « Moi, je suis d'Etchalar, » dit-elle. « C'est un pays à 4 heures de chez nous. J'ai été emmené par des bohémiens à Séville. Je travaillais à la manufacture pour gagner de quoi retourner en Navarre, près de ma pauvre mère qui n'a que moi pour soutien, et un petit baratquin. » Note. Enclos, jardin, fin de la note, avec 20 pommiers à cidre. Ah, si j'étais au pays, devant la montagne blanche! On m'a insulté parce que je ne suis pas de ce pays de filous marchands d'oranges pourries, et ces gueuses se sont mises toutes contre moi parce que je leur ai dit que tout leur Jacques, note, brave, fanfaron, fin de la note, de Séville, avec leurs couteaux, ne ferait pas peur à un gars de chez nous avec son béret bleu et son maquis là. Camarade, mon ami, ne ferez-vous rien pour une payse ? Elle mentait, monsieur, elle a toujours menti. Je ne sais pas si dans sa vie, cette fille-là a jamais dit un mot de vérité. Mais quand elle parlait, je la croyais. C'était plus fort que moi. Elle estropiait le basque, et je la crus navarraise. Ses yeux seuls et sa bouche et son teint la disaient bohémienne. J'étais fou, je ne faisais plus attention à rien. Je pensais que, si des Espagnols s'étaient avisés de mal parler du pays, je leur aurais coupé la figure, tout comme elle venait de faire à sa camarade. Bref, j'étais comme un homme ivre. Je commençais à dire des bêtises. J'étais tout près d'en faire. « Si je vous poussais, et si vous tombiez, mon pays, » reprit-elle en basque, « ce ne seraient pas ces deux conscrits de Castillan qui me retiendraient. » Ma foi, j'oubliais la consigne et tout, et je lui dis, « Eh bien, mamie, ma payse, essayez, et que Notre-Dame de la Montagne vous soit en aide. » En ce moment, nous passions devant une de ces ruelles étroites, comme il y en a tant à Séville. Tout à coup, Carmen se retourne et me lance un coup de poing dans la poitrine. Je me laissai tomber exprès à la renverse. D'un bond, elle saute par-dessus de moi et se met à courir en nous montrant une paire de jambes. On dit jambes de basque. Les siennes en valaient bien d'autres. Aussi vite que bien tournée. Moi, je me relève aussitôt. Mais je mets ma lance, note, toute la cavalerie espagnole est armée de lances, fin de la note, en travers, de façon à barrer la rue, si bien que, de prime abord, les camarades furent arrêtés au moment de la poursuivre. Puis je me mis moi-même à courir, et eux après moi. Mais l'atteindre, il n'y avait pas de risque, avec nos éperons, nos sabres et nos lances. En moins de temps que je n'en mets à vous le dire, la prisonnière avait disparu. D'ailleurs, toutes les commères du quartier favorisaient sa fuite et se moquaient de nous, et nous indiquaient la fausse voie. Après plusieurs marches et contre-marches, il fallut nous en revenir au corps de garde sans un reçu du gouverneur de la prison. Mes hommes, pour n'être pas punis, dirent que Carmen m'avait parlé basque, et il ne paraissait pas trop naturel, pour dire la vérité, qu'un coup de poing d'une tant petite fille eût terrassé si facilement un gaillard de ma force. Tout cela parut louche, ou plutôt trop clair. En descendant la garde, je fus dégradé et envoyé pour un mois à la prison. C'était ma première punition depuis que j'étais au service. Adieu les galons de maréchal des logis, que je croyais déjà tenir. Mes premiers jours de prison se passèrent fort tristement. En me faisant soldat, je m'étais figuré que je deviendrais tout au moins officier. Longa, Mina, mes compatriotes, sont bien capitaines généraux. Chapa Langara, qui est un négro comme Mina, est réfugié comme lui dans votre pays. Chapa Langara était colonel. Et j'ai joué à la paume 20 fois avec son frère, qui était un pauvre diable comme moi. Maintenant, je me disais, tout le temps que tu as servi sans punition, c'est du temps perdu. Te voilà mal noté. Pour te remettre bien dans l'esprit des chefs, il te faudra travailler 10 fois plus que lorsque tu es venu comme conscrit. Et pourquoi me suis-je fait punir? Pour une coquine de bohémienne qui s'est moquée de moi, et qui, dans ce moment, et t'a volé dans quelque coin de la ville. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Le croiriez-vous, monsieur? Ces bas de soie troués qu'elle me faisait voir tout en plein en s'enfuyant, je les avais toujours devant les yeux. Je regardais par les barreaux de la prison dans la rue, et, parmi toutes les femmes qui passaient, je n'en voyais pas une seule qui valût cette diable de fille-là. Et puis, malgré moi, je sentais la fleur de cassis qu'elle m'avait jetée, et qui, sèche, gardait toujours sa bonne odeur. S'il y a des sorcières, cette fille-là en était une. Un jour, le geôlier entre et me donne un pain d'Alcala. Note, Alcala de los Panaderos, bourg à 2 lieues de Séville, où l'on fait des petits pains délicieux. On prétend que c'est à l'eau d'Alcala qu'ils doivent leur qualité, et l'on en apporte tous les jours une grande quantité à Séville. Fin de la note. Tenez, dit-il, voilà ce que votre cousine vous envoie. Je pris le pain, fort étonné, car je n'avais pas de cousine à Séville. C'est peut-être une erreur, pensai-je en regardant le pain. Mais il était si appétissant, il sentait si bon, que, sans m'inquiéter de savoir d'où il venait et à qui il était destiné, je résolus de le manger. En voulant le couper, mon couteau rencontra quelque chose de dur. Je regarde, et je trouve une petite lime anglaise qu'on avait glissée dans la pâte avant que le pain fût cuit. Il y avait encore dans le pain une pièce d'or de 2 piastres. Plus de doute alors, c'était un cadeau de Carmen. Pour les gens de sa race, la liberté est tout, et ils mettraient le feu à une ville pour s'épargner un jour de prison. D'ailleurs, la commère était fine, et avec ce pain-là, on se moquait des geôliers. En une heure, le plus gros barreau était scié avec la petite lime, et avec la pièce de 2 piastres, chez le premier fripier, je changeai ma capote d'uniforme pour un habit bourgeois. Vous pensez bien qu'un homme qui avait déniché maintes fois des aiglons dans nos rochers ne s'embarrassait guère de descendre dans la rue d'une fenêtre haute de moins de 30 pieds. Mais je ne voulais pas m'échapper. J'avais encore mon honneur de soldat, et déserter me semblait un grand crime. Seulement, je fus touché de cette marque de souvenir. Quand on est en prison, on aime à penser qu'on a dehors un ami qui s'intéresse à vous. La pièce d'or m'offusquait un peu, j'aurais bien voulu la rendre. Mais où trouver mon créancier? Cela ne me semblait pas facile. Après la cérémonie de la dégradation, je croyais n'avoir plus rien à souffrir. Mais il me restait encore une humiliation à dévorer. Ce fut à ma sortie de prison, lorsqu'on me commanda de service et qu'on me mit en faction comme un simple soldat. Vous ne pouvez vous figurer ce qu'un homme de cœur éprouve en pareille occasion. Je crois que j'aurais aimé autant à être fusillé. Au moins on marche seul, en avant de son peloton. On se sent quelque chose. Le monde vous regarde. Je fus mis en faction à la porte du colonel. C'était un jeune homme riche, bon enfant, qui aimait à s'amuser. Tous les jeunes officiers étaient chez lui, et force bourgeois, des femmes aussi, des actrices, à ce qu'on disait. Pour moi, il me semblait que toute la ville s'était donné rendez-vous à sa porte pour me regarder. Voilà qu'arrive la voiture du colonel avec son valet de chambre sur le siège. Qu'est-ce que je vois descendre? La gitanilla. Elle était parée, cette fois, comme une chasse, pomponnée, attifée, tout or et tout ruban. Une robe à paillettes, des souliers bleus à paillettes aussi, des fleurs et des galons partout. Elle avait un tambour de basque à la main. Avec elle, il y avait 2 autres bohémiennes, une jeune et une vieille. Il y a toujours une vieille pour les mener. Puis un vieux avec une guitare, bohémien aussi, pour jouer et les faire danser. Vous savez qu'on s'amuse souvent à faire venir des bohémiennes dans les sociétés, afin de leur faire danser la romalis, c'est leur danse, et souvent bien autre chose. Carmen me reconnut, et nous échangeâmes un regard. Je ne sais, mais, en ce moment, j'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. Agur Laguna. Note, bonjour camarade. Fin de la note. Dit-elle. Mon officier, tu montes la garde comme un conscrit? Et, avant que j'eusse trouvé un mot à répondre, elle était dans la maison. Toute la société était dans le patio, et, malgré la foule, je voyais à peu près tout ce qui se passait à travers la grille. Note, la plupart des maisons de Séville ont une cour intérieure entourée de portiques. On s'y tient en été. Cette cour est couverte d'une toile qu'on arrose pendant le jour et qu'on retire le soir. La porte de la rue est presque toujours ouverte et le passage qui conduit à la cour, Ziguan, est fermé par une grille en fer très élégamment ouvragée. Fin de la note. J'entendais les castagnettes, le tambour, les rires et les bravos. Parfois j'apercevais sa tête quand elle sautait avec son tambour. Puis j'entendais encore des officiers qui lui disaient bien des choses qui me faisaient monter le rouge à la figure. Ce qu'elle répondait, je n'en savais rien. C'est de ce jour-là, je pense, que je me mis à l'aimer pour tout de bon, car l'idée me vint 3 ou 4 fois d'entrer dans le patio et de donner de mon sabre dans le ventre à tous ces freluquets qui lui comptaient fleurette. Mon supplice dura 1 bonne heure. Puis les bohémiens sortirent, et la voiture les ramena. Carmen, en passant, me regarda encore avec les yeux que vous savez, et me dit très bas. « Pays, quand on aime la bonne friture, on en va manger à Triana, chez Lila Spastia. » Légère comme un cabri, elle s'élança dans la voiture, le cocher fouetta ses mules, et toute la bande joyeuse s'en alla je ne sais où. Vous devinez bien qu'en descendant ma garde, j'allais à Triana. Mais d'abord je me fis raser et je me brossai comme pour un jour de parade. Elle était chez Lila Spastia, un vieux marchand de fritures, bohémien, noir comme un mort, chez qui beaucoup de bourgeois venaient manger du poisson frit, surtout, je crois, depuis que Carmen y avait pris ses quartiers. « Lilas, dit-elle sitôt qu'elle me vit, je ne fais plus rien de la journée. Demain, il fera jour. » Note. Mañana será otro día. Proverbe espagnol. Fin de la note. Allons, pays, allons nous promener. Elle mit sa mantille devant son nez et nous voilà dans la rue sans savoir où j'allais. Mademoiselle, lui dis-je, je crois que j'ai à vous remercier d'un présent que vous m'avez envoyé quand j'étais en prison. J'ai mangé le pain, la lime me servira pour affiler ma lance, et je la garde comme souvenir de vous. Mais l'argent, le voilà. Tiens, il a gardé l'argent, s'écria-t-elle en éclatant de rire. Au reste, tant mieux, car je ne suis guère en fond. Mais qu'importe, chien qui chemine ne meurt pas de famine. Note. Choquel s'inspirella, cocalterella. Chien qui marche, os trouve. Proverbe bohémien. Fin de la note. Allons, mangeons tout. Tu me régales. Nous avions repris le chemin de Séville. À l'entrée de la rue du Serpent, elle acheta une douzaine d'oranges qu'elle me fit mettre dans mon mouchoir. Un peu plus loin, elle acheta encore un pain, du saucisson, une bouteille de manzanilla, puis enfin elle entra chez un confiseur. Là, elle jeta sur le comptoir la pièce d'or que je lui avais rendue, une autre encore qu'elle avait dans sa poche, avec quelque argent blanc. Enfin, elle me demanda tout ce que j'avais. Je n'avais qu'une piécette et quelques quartos, que je lui donnais, fort honteux de n'avoir pas davantage. Je crus qu'elle voulait emporter toute la boutique. Elle prit tout ce qu'il y avait de plus beau et de plus cher, yemas, note, jaune d'œuf sucré, fin de la note, touron, note, espèce de nougat, fin de la note, fruits confits, tant que l'argent dura. Tout cela, il fallut encore que je le portasse dans des sacs de papier. Vous connaissez peut-être la rue du Candilero, où il y a une tête du roi Dom Pedro le Justicier. Note, le roi Dom Pedro, que nous nommons le Cruel, et que la reine Isabelle la Catholique n'appelait jamais que le Justicier, aimait à se promener le soir dans les rues de Séville, cherchant les aventures, comme le calife Haroun al-Rachid. Certaines nuits, il se prit de querelle, dans une rue écartée, avec un homme qui donnait une sérénade. On se battit, et le roi tua le cavalier amoureux. Au bruit des épées, une vieille femme mit la tête à la fenêtre et éclaira la scène avec la petite lampe, candilero, qu'elle tenait à la main. Il faut savoir que le roi Dom Pedro, d'ailleurs leste et vigoureux, avait un défaut de conformation singulier. Quand il marchait, ses rotules craquaient fortement. La vieille, à ce craquement, n'eut pas de peine à le reconnaître. Le lendemain, le 24 en charge vint faire son rapport au roi. « Sire, on s'est battu en duel cette nuit, dans telle rue. Un des combattants est mort. »« Avez-vous découvert le meurtrier ?»« Oui, sire. »« Pourquoi n'est-il pas déjà puni ?»« Sire, j'attends vos ordres. »« Exécutez la loi. » Or, le roi venait de publier un décret portant que tout duelliste serait décapité et que sa tête demeurerait exposée sur le lieu du combat. Le 24 se tira d'affaire en homme d'esprit. Il fit scier la tête d'une statue du roi et l'exposa dans une niche au milieu de la rue, théâtre du meurtre. Le roi et tous les Sévillans le trouvèrent fort bon. La rue prit son nom de la lampe de la vieille, seul témoin de l'aventure. Voilà la tradition populaire. Zuniga raconte l'histoire un peu différemment. Voir Annales de Séville. Quoi qu'il en soit, il existe encore à Séville une rue du Candilero, et dans cette rue un buste de pierre qu'on dit être le portrait de Dom Pedro. Malheureusement, ce buste est moderne. L'ancien était fort usé au XVIIe siècle, et la municipalité d'alors le fit remplacer par celui qu'on voit aujourd'hui. Fin de la note. Elle aurait dû m'inspirer des réflexions. Nous nous arrêtâmes, dans cette rue-là, devant une vieille maison. Elle entra dans l'allée, et frappa au rez-de-chaussée. Une bohémienne, vraie servante de Satan,

tous le connaissaient, et ses poissons et ses beignets encore mieux. Il s'approcha de moi et me demanda si j'avais des nouvelles de Carmen. « Non, lui dis-je. Eh bien, vous en aurez, compère. » Il ne se trompait pas. La nuit, je fus mis de faction à la brèche. Dès que le brigadier se fut retiré, je vis venir à moi une femme. Le cœur me disait que c'était Carmen. Cependant, je criais « Au large, on ne passe pas !»« Ne faites donc pas le méchant, » me dit-elle en se faisant connaître à moi. « Quoi, vous voilà, Carmen ?»« Oui, mon pays. Parlons peu, parlons bien. Veux-tu gagner un douro ? Il va venir des gens avec des paquets. Laisse-les faire !»« Non, » répondis-je, « je dois les empêcher de passer. C'est la consigne. » La consigne, la consigne, tu n'y pensais pas, rue du Candilero. Ah ! Répondis-je, tout bouleversé par ce seul souvenir. Cela valait bien la peine d'oublier la consigne. Mais je ne veux pas de l'argent des contrebandiers. Voyons, si tu ne veux pas d'argent, veux-tu que nous allions encore dîner chez la vieille Dorothée ? Non, dis-je à moitié étranglé par l'effort que je faisais. Je ne puis pas. Fort bien, si tu es si difficile, je sais à qui m'adresser. J'offrirai à ton officier d'aller chez Dorothée. Il a l'air d'un bon enfant, et il fera mettre en sentinelle un gaillard qui ne verra que ce qu'il faudra voir. Adieu, canari. Je rirai bien le jour où la consigne sera de te pendre. J'eus la faiblesse de la rappeler, et je promis de laisser passer toute la bohème, s'il le fallait, pourvu que j'obtinsse la seule récompense que je désirais. Elle me jura aussitôt de me tenir parole dès le lendemain, et courut prévenir ses amis, qui était à deux pas. Il y en avait cinq dont était Pastia, tous bien chargés de marchandises anglaises. Carmen faisait le guet. Elle devait avertir avec ses castagnettes dès qu'elle apercevrait la ronde, mais elle n'en eut pas besoin. Les fraudeurs firent leur affaire en un instant. Le lendemain, j'allai rue du Candilero. Carmen se fit attendre et vint d'assez mauvaise humeur. « Je n'aime pas les gens qui se font prier, » dit-elle. « Tu m'as rendu un plus grand service la première fois, sans savoir si tu y gagnerais quelque chose. Hier, tu as marchandé avec moi. Je ne sais pas pourquoi je suis venue, car je ne t'aime plus. Tiens, va-t'en, voilà un douro pour ta peine. » Peu s'en fallut que je ne lui jetasse la pièce à la tête, et je fus obligé de faire un effort violent sur moi-même pour ne pas la battre. Après nous être disputés pendant une heure, je sortis furieux. J'irai quelque temps par la ville, marchant de ça et de là comme un fou. Enfin j'entrai dans une église, et, m'étant mis dans le coin le plus obscur, je pleurai à chaudes larmes. Tout d'un coup, j'entends une voix. « Larme de dragon, j'en veux faire un filtre !» Je lève les yeux, c'était Carmen en face de moi. « Eh bien, mon pays, m'en voulez-vous encore ?» me dit-elle. « Il faut bien que je vous aime, malgré que j'en ai, car, depuis que vous m'avez quitté, je ne sais ce que j'ai. Voyons, maintenant c'est moi qui te demande si tu veux venir rue du Candilero. » Nous fîmes donc la paix. Mais Carmen avait l'humeur comme est le temps chez nous. Jamais l'orage n'est si près dans nos montagnes que lorsque le soleil est le plus brillant. Elle m'avait promis de me revoir une autre fois chez Dorothée, et elle ne vint pas. Et Dorothée me dit de plus belle qu'elle était allée à Laloro pour les affaires d'Égypte. Fin de la première partie du chapitre 3 de Carmen. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en août 2010. Chapitre 3 de Carmen par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3, deuxième partie. Sachant déjà par expérience à quoi m'en tenir là-dessus, je cherchais Carmen partout où je croyais qu'elle pouvait être, et je passais 20 fois par jour dans la rue du Candilero. Un soir, j'étais chez Dorothée, que j'avais presque apprivoisée en lui payant de temps à autre quelques verres d'anisette, lorsque Carmen entra, suivie d'un jeune homme, lieutenant dans notre régiment. « Va-t'en, vite !» me dit-elle en basque. Je restais stupéfait, la rage dans le cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » me dit le lieutenant. « Décampe, hors d'ici !» Je ne pouvais faire un pas. J'étais comme perclus. L'officier, en colère, voyant que je ne me retirais pas et que je n'avais pas même ôté mon bonnet de police,

à nous les coups et l'embarras de l'affaire. Mais je reprends mon histoire. Nous n'entendions plus parler de Carmen. Le Dankaïr dit « Il faut qu'un de nous aille à Gibraltar pour en avoir des nouvelles. Elle doit avoir préparé quelque affaire. J'irai bien, mais je suis trop connu à Gibraltar. » Le borgne dit « Moi aussi, on m'y connaît. J'y ai fait tant de farces aux écrevisses. » Note, nom que le peuple en Espagne donne aux Anglais à cause de la couleur de leur uniforme. Fin de la note. « Et comme je n'ai qu'un œil, je suis difficile à déguiser. » « Il faut donc que j'y aille, » dis-je à mon tour, enchanté à la seule idée de revoir Carmen. « Voyons, que faut-il faire ?» Les autres me dirent « Fais tant que de t'embarquer ou de passer par Saint-Roch, comme tu aimeras le mieux, et, lorsque tu seras à Gibraltar, demande sur le port où demeure une marchande de chocolat qui s'appelle la Rolona. Quand tu l'auras trouvée, tu sauras d'elle ce qui se passe là-bas. » Il fut convenu que nous partirions tous les trois pour la Sierra de Gossin, que j'y laisserai mes deux compagnons et que je me rendrais à Gibraltar comme un marchand de fruits. À Ronda, un homme qui était à nous m'avait procuré un passeport. À Gossin, on me donna un âne. Je le chargeai d'oranges et de melons et je me mis en route. Arrivé à Gibraltar, je trouvai qu'on y connaissait bien la Rolona, mais elle était morte ou elle était allée à Finibus Terrae, note, aux galères, ou bien à tous les diables, fin de la note, et sa disparition expliquait, à mon avis, comment nous avions perdu notre moyen de correspondre avec Carmen. Je mis mon âne dans une écurie, et, prenant mes oranges, j'allais par la ville comme pour les vendre, mais, en effet, pour voir si je ne rencontrerais pas quelque figure de connaissance. Il y a là force canaille de tous les pays du monde, et c'est la tour de Babel, car on ne saurait faire 10 pas dans une rue sans entendre parler autant de langues. Je voyais bien des gens d'Égypte, mais je n'osais guère m'y fier. Je les tâtais, et ils me tâtaient. Nous devinions bien que nous étions des coquins. L'important était de savoir si nous étions de la même bande. Après 2 jours passés en courses inutiles, je n'avais rien appris touchant la Rolona ni Carmen, et je pensais à retourner auprès de mes camarades après avoir fait quelques emplettes, lorsqu'en me promenant dans une rue, au coucher du soleil, j'entends une voix de femme d'une fenêtre qui me dit « Marchand d'oranges !» Je lève la tête et je vois à un balcon Carmen, accoudée avec un officier en rouge, épaulettes d'or, cheveux frisés, tournure d'un gros milord. Pour elle, elle était habillée superbement. Un châle sur ses épaules, une peigne d'or, tout en soie, et la bonne pièce, toujours la même, riait à se tenir les côtes. L'Anglais, en baragouinant l'Espagnol, me cria de monter, que madame voulait des oranges. Et Carmen me dit en basque, « Monte, et ne t'étonne de rien !» Rien, en effet, ne devait m'étonner de sa part. Je ne sais si j'eus plus de joie que de chagrin en la retrouvant. Il y avait à la porte un grand domestique anglais, poudré, qui me conduisit dans un salon magnifique. Carmen me dit aussitôt en basque, « Tu ne sais pas un mot d'espagnol, tu ne me connais pas. » Puis, se tournant vers l'anglais, « Je vous le disais bien, je l'ai tout de suite reconnu pour un basque. Vous allez entendre quelle drôle de langue. Comme il a l'air bête, n'est-ce pas? On dirait un chat surpris dans un garde-manger. » « Et toi, lui dis-je dans ma langue, tu as l'air d'une effrontée coquine et j'ai bien envie de te balafrer la figure devant ton galant. »« Mon galant, » dit-elle, « tiens, tu as deviné cela tout seul? Et tu es jaloux de cet imbécile-là? Tu es encore plus niais qu'avant nos soirées de la rue du Candilero. Ne vois-tu pas, sot que tu es, que je fais en ce moment les affaires d'Égypte et de la façon la plus brillante? Cette maison est à moi, les guinées de l'écrevisse seront à moi. Je le mène par le bout du nez. Je le mènerai d'où il ne sortira jamais. Et moi, lui dis-je, si tu fais encore les affaires d'Égypte de cette manière-là, je ferai si bien que tu ne recommenceras plus. Ah, Ouida, es-tu mon rhum pour me commander? Le borgne le trouve bon, qu'as-tu à y voir? Ne devrais-tu pas être bien content d'être le seul qui se puisse dire mon minchoro? Note, mon amant, ou plutôt mon caprice. Fin de la note. Qu'est-ce qu'il dit? Demanda l'anglais. Il dit qu'il a soif et qu'il boirait bien un coup, répondit Carmen, et elle se renversa sur un canapé en éclatant de rire à sa traduction. Monsieur, quand cette fille-là riait, il n'y avait pas moyen de parler raison.

nous dîmes tous deux au Dankaïr de nous laisser place libre et franc jeu. Il vit qu'il n'y avait pas moyen de nous arrêter, et il s'écarta. Garcia était déjà ployé en deux comme un chat prêt à s'élancer contre une souris. Il tenait son chapeau de la main gauche pour parer, son couteau en avant. C'est leur garde andalouse. Moi, je me mis à la Navarraise, droite en face de lui, le bras gauche levé, la jambe gauche en avant, le couteau le long de la cuisse droite. Je me sentais plus fort qu'un géant. Il se lança sur moi comme un trait. Je tournai sur le pied gauche et il ne trouva plus rien devant lui. Mais je l'atteignis à la gorge et le couteau entra si avant que ma main était sous son menton. Je retournai la lame si fort qu'elle se cassa. C'était fini. La lame sortit de la plaie lancée par un bouillon de sang gros comme le bras. Il tomba sur le nez, roide comme un pieu. « Qu'as-tu fait ? » me dit le Dankaïr. « Écoute, lui dis-je, nous ne pouvions vivre ensemble. J'aime Carmen et je veux être seul. D'ailleurs, Garcia était un coquin, et je me rappelle ce qu'il a fait au pauvre Remendado. Nous ne sommes plus que deux, mais nous sommes de bons garçons. Voyons, veux-tu de moi pour ami, à la vie et à la mort ?» Le Dankaïr me tendit la main. C'était un homme de 50 ans. « Au diable les amourettes ! » s'écria-t-il. « Si tu lui avais demandé, Carmen, il te l'aurait vendu pour une piastre. » « Nous ne sommes plus que deux. Comment ferons-nous demain ?»« Laisse-moi faire tout seul, » lui répondis-je. « Maintenant, je me moque du monde entier. » Nous enterrâmes Garcia et nous allâmes placer notre camp 200 pas plus loin. Le lendemain, Carmen et son Anglais passèrent avec 2 muletiers et 1 domestique. Je dis au Dankaïr, « Je me charge de l'Anglais. Fais peur aux autres, ils ne sont pas armés. » L'Anglais avait du cœur. Si Carmen ne lui eût poussé le bras, il me tuait. Bref, je reconquis Carmen ce jour-là, et mon premier mot fut de lui dire qu'elle était veuve. Quand elle sut comment cela s'était passé, « Tu seras toujours un Lilipendi, » me dit-elle. « Garcia devait te tuer. Ta garde navarraise n'est qu'une bêtise, et il en a mis à l'ombre de plus habiles que toi. C'est que son temps était venu. Le tien viendra. »« Et le tien, » répondis-je, « si tu n'es pas pour moi une vraie Romie. » »« À la bonne heure, » dit-elle. J'ai vu plus d'une fois dans du mar de café que nous devions finir ensemble. Bah, arrive qui plante. » Et elle fit claquer ses castagnettes, ce qu'elle faisait toujours quand elle voulait chasser quelque idée importune. On s'oublie quand on parle de soi. Tous ces détails-là vous ennuient sans doute, mais j'ai bientôt fini. La vie que nous menions dura assez longtemps. Le Dankaïr et moi, nous nous étions associés quelques camarades plus sûrs que les premiers, et nous nous occupions de contrebande, et aussi parfois, il faut bien l'avouer, nous arrêtions sur la grande route, mais à la dernière extrémité, et lorsque nous ne pouvions faire autrement. D'ailleurs, nous ne maltraitions pas les voyageurs, et nous nous bornions à leur prendre leur argent. Pendant quelques mois, je fus content de Carmen. Elle continuait à nous être utile pour nos opérations, en nous avertissant des bons coups que nous pourrions faire. Elle se tenait soit à Malaga, soit à Cordoue, soit à Grenade. Mais, sur un mot de moi, elle quittait tout et venait me retrouver dans une venta isolée ou même au bivouac. Une fois seulement, c'était à Malaga, elle me donna quelque inquiétude. Je sus qu'elle avait jeté son dévolu sur un négociant fort riche avec lequel, probablement, elle se proposait de recommencer la plaisanterie de Gibraltar. Malgré tout ce que le Dankaïr put me dire pour m'arrêter, je partis et j'entrai dans Malaga en plein jour. Je cherchais Carmen et je l'emmenai aussitôt. Nous eûmes une verte explication. « Sais-tu, me dit-elle, que, depuis que tu es mon rhum pour tout de bon, je t'aime moins que lorsque tu étais mon minchoro. Je ne veux pas être tourmentée, ni surtout commandée. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Prends garde de me pousser à bout. Si tu m'ennuies, je trouverai quelque bon garçon qui te fera comme tu as fait au borgne. » Le Dankaïr nous raccommoda. Mais nous nous étions dit des choses qui nous restaient sur le cœur, et nous n'étions plus comme auparavant. Peu après, un malheur nous arriva. La troupe nous surprit. Le Dankaïr fut tué, ainsi que 2 de mes camarades. 2 autres furent pris. Moi, je fus grièvement blessé, et, sans mon bon cheval, je demeurais entre les mains des soldats. Exténué de fatigue, ayant une balle dans le corps, j'allai me cacher dans un bois, avec le seul compagnon qui me resta. je m'évanouis en descendant de cheval, et je crus que j'allais crever dans les broussailles comme un lièvre qui a reçu du plomb. Mon camarade me porta dans une grotte que nous connaissions, puis il alla chercher Carmen. Elle était à Grenade, et aussitôt elle accourut. Pendant 15 jours, elle ne me quitta pas d'un instant. Elle ne ferma pas l'œil. Elle me soigna avec une adresse et des attentions que jamais femme n'a eues pour l'homme le plus aimé. Dès que je pus me tenir sur mes jambes, elle me mena à Grenade dans le plus grand secret. Les bohémiennes trouvent partout des asiles sûrs, et je passai plus de 6 semaines dans une maison à 2 portes du corrigidor qui me cherchait. Plus d'une fois, regardant derrière un volet, je le vis passer. Enfin, je me rétablis, mais j'avais fait bien des réflexions sur mon lit de douleur, et je projetais de changer de vie. Je parlais à Carmen de quitter l'Espagne et de chercher à vivre honnêtement dans le Nouveau Monde. Elle se moqua de moi. « Nous ne sommes pas faits pour planter des choux, » dit-elle. « Notre destin, à nous, c'est de vivre aux dépens des païlos. Tiens, j'ai arrangé une affaire avec Nathan Ben-Joseph de Gibraltar. Il a des cotonnades qui n'attendent que toi pour passer. Il sait que tu es vivant. Il compte sur toi. Que diraient nos correspondants de Gibraltar si tu leur manquais de parole ?» Je me laissai entraîner, et je repris mon vilain commerce. Pendant que j'étais caché à Grenade, il y eut des courses de taureaux où Carmen alla. En revenant, elle parla beaucoup d'un picador très adroit, nommé Lucas. Elle savait le nom de son cheval et combien lui coûtait sa veste brodée. Je n'y fis pas attention. Juanito, le camarade qui m'était resté, me dit, quelques jours après, qu'il avait vu Carmen avec Lucas chez un marchand du Zacatin. Cela commença à m'alarmer. Je demandai à Carmen comment et pourquoi elle avait fait connaissance avec le picador. « C'est un garçon, me dit-elle, avec qui on peut faire une affaire. Rivière qui fait du bruit, à de l'eau ou des cailloux. Il a gagné 1 200 réaux aux courses. De 2 choses l'une, ou bien il faut avoir cet argent, ou bien, comme c'est un bon cavalier et un gaillard de cœur, on peut l'enrôler dans notre bande. Un tel et un tel sont morts, tu as besoin de les remplacer. Prends-le avec toi. » « Je ne veux, répondis-je, ni de son argent, ni de sa personne, et je te défends de lui parler. « Prends garde, me dit-elle, lorsqu'on me défie de faire une chose, elle est bientôt faite. » Heureusement, le picador partit pour Malaga, et moi, je me mis en devoir de faire entrer les cotonnades du Juif. J'eus fort à faire dans cette expédition-là, Carmen aussi, et j'oubliais Lucas. Peut-être aussi l'oublia-t-elle, pour le moment du moins. C'est vers ce temps, monsieur, que je vous rencontrai, d'abord près de Montilla, puis après à Cordoue. Je ne vous parlerai pas de notre dernière entrevue. Vous en savez peut-être plus long que moi. Carmen vous vola votre montre. Elle voulait encore votre argent, et surtout cette bague que je vois à votre doigt, et qui, dit-elle, est un anneau magique qui lui importait beaucoup de posséder. Nous eûmes une violente dispute, et je la frappai. Elle pâlit et pleura. C'était la première fois que je la voyais pleurer, et cela me fit un effet terrible. Je lui demandai pardon, mais elle me bouda pendant tout un jour, et, quand je repartis pour Montilla, elle ne voulut pas m'embrasser. J'avais le cœur gros lorsque, 3 jours après, elle vint me trouver l'air riant et gai comme pinson. Tout était oublié, et nous avions l'air d'amoureux de 2 jours. Au moment de nous séparer, elle me dit « Il y a une fête à Cordoue. Je vais la voir, puis je saurai les gens qui s'en vont avec de l'argent, et je te le dirai. » Je la laissai partir. Seule, je pensais à cette fête et à ce changement d'humeur de Carmen. « Il faut qu'elle se soit vengée déjà, » me dis-je, puisqu'elle est revenue la première. Un paysan me dit qu'il y avait des taureaux à Cordoue. Voilà mon sang qui bouillonne, et, comme un fou, je pars et je vais à la place. On me montra Lucas, et, sur le banc contre la barrière, je reconnus Carmen. Il me suffit de la voir 1 minute pour être sûr de mon fait. Lucas, au premier taureau, fit le joli cœur comme je l'avais prévu. Il arracha la cocarde, note, la divisa, nœud de ruban dont la couleur indique les pâturages d'où viennent les taureaux. Ce nœud est fixé dans la peau du taureau au moyen d'un crochet, et c'est le comble de la galanterie que de l'arracher à l'animal vivant pour l'offrir à une femme. Fin de la note. Du taureau, et la porta à Carmen qui s'en coiffa sur le champ. le taureau se chargea de me venger. Lucas fut culbuté avec son cheval sur la poitrine et le taureau par-dessus tous les deux. Je regardais Carmen, elle n'était déjà plus à sa place. Il m'était impossible de sortir de celle où j'étais et je fus obligé d'attendre la fin des courses. Alors j'allai à la maison que vous connaissez et je m'y tins quoi toute la soirée et une partie de la nuit. Vers 2 heures du matin, Carmen revint et fut un peu surprise de me voir. « Viens avec moi, » lui dis-je. « Eh bien, » dit-elle, « partons. » J'allai prendre mon cheval, je la mis en croupe, et nous marchâmes tout le reste de la nuit sans nous dire un seul mot. Nous nous arrêtâmes au jour dans une venta isolée, assez près d'un petit ermitage. Là, je dis à Carmen, « Écoute, j'oublie tout. Je ne te parlerai de rien, mais jure-moi une chose. » C'est que tu vas me suivre en Amérique et que tu t'y tiendras tranquille. « Non, » dit-elle d'un ton boudeur, « je ne veux pas aller en Amérique. Je me trouve bien ici. » « C'est parce que tu es près de Lucas. Mais songe-y bien, s'il guérit, ce ne sera pas pour faire de vieux os. Au reste, pourquoi m'en prendre à lui? Je suis là de tuer tous tes amants. C'est toi que je tuerai. » Elle me regarda fixement de son regard sauvage et me dit, « J'ai toujours pensé que tu me tuerais. La première fois que je t'ai vu, je venais de rencontrer un prêtre à la porte de ma maison. Et cette nuit, en sortant de Cordoue, n'as-tu rien vu? Un lièvre a traversé le chemin entre les pieds de ton cheval. C'est écrit. Carmencita, lui demandai-je, est-ce que tu ne m'aimes plus? Elle ne répondit rien. Elle était assise les jambes croisées sur une natte et faisait des traits par terre avec son doigt. Changeons de vie, Carmen, lui dis-je d'un ton suppliant. Allons vivre quelque part où nous ne serons jamais séparés. Tu sais que nous avons, pas loin d'ici, sous un chêne, 120 onces enterrées. Puis nous avons des fonds encore chez le juif Ben-Joseph. Elle se mit à sourire et me dit, « Moi d'abord, toi ensuite, je sais bien que cela doit arriver ainsi. » « Réfléchis, » repris-je, « je suis au bout de ma patience et de mon courage. Prends ton parti ou je prendrai le mien. » Je la quittai et j'allai me promener du côté de l'ermitage. Je trouvai l'ermite qui priait. J'attendis que sa prière fût finie. J'aurais bien voulu prier, mais je ne pouvais pas. Quand il se releva, j'allai à lui. « Mon père, lui dis-je, voulez-vous prier pour quelqu'un qui est en grand péril ?»« Je prie pour tous les affligés, » dit-il. « Pouvez-vous dire une messe pour une âme qui va peut-être paraître devant son Créateur ?»« Oui, » répondit-il en me regardant fixement. Et comme il y avait dans mon air quelque chose d'étrange, il voulut me faire parler. « Il me semble que je vous ai vu, » dit-il. Je mis une piastre sur son banc. « Quand direz-vous la messe ?» lui demandai-je. « Dans une demi-heure, le fils de l'aubergiste de là-bas va venir la servir. Dites-moi, jeune homme, n'avez-vous pas quelque chose sur la conscience qui vous tourmente? Voulez-vous écouter les conseils d'un chrétien ?» Je me sentais près de pleurer. Je lui dis que je reviendrais, et je me sauvai. J'allai me coucher sur l'herbe jusqu'à ce que j'entendisse la cloche. Alors je m'approchai, mais je restai en dehors de la chapelle. Quand la messe fut dite, je retournai à la venta. J'espérais presque que Carmen se serait enfuie. Elle aurait pu prendre mon cheval et se sauver. Mais je la retrouvai. Elle ne voulait pas qu'on pût dire que je lui avais fait peur. Pendant mon absence, elle avait défait l'ourlet de sa robe pour en retirer le plomb. Maintenant, elle était devant une table, regardant dans une terrine pleine d'eau le plomb qu'elle avait fait fondre et qu'elle venait d'y jeter. Elle était si occupée de sa magie qu'elle ne s'aperçut pas d'abord de mon retour. Tantôt elle prenait un morceau de plomb et le tournait de tous les côtés d'un air triste. Tantôt elle chantait quelqu'une de ses chansons magiques où elles invoquent Marie Padilla, la maîtresse de Don Pedro, qui fut, dit-on, la Barricralissa, ou la grande reine des bohémiens. Note, on a accusé Marie Padilla d'avoir ensorcelé le roi Don Pedro. Une tradition populaire rapporte qu'elle avait fait présent à la reine Blanche de Bourbon d'une ceinture d'or qui parut aux yeux fascinés du roi comme un serpent vivant. De là la répugnance qu'il montra toujours pour la malheureuse princesse. Fin de la note. « Carmen, lui dis-je, voulez-vous venir avec moi ?» Elle se leva, jeta sa sébile et mit sa mantille sur sa tête comme prête à partir. On m'amena mon cheval, elle monta en croupe, et nous nous éloignâmes. Ainsi, lui dis-je, ma Carmen, après un bout de chemin, tu veux bien me suivre, n'est-ce pas? Je te suis à la mort, oui, mais je ne vivrai plus avec toi. Nous étions dans une gorge solitaire. J'arrêtai mon cheval. Est-ce ici? Dit-elle, et d'un bond elle fut à terre. Elle ôta sa mantille, la jeta à ses pieds, et se tint immobile, un poing sur la hanche, me regardant fixement. « Tu veux me tuer, je le vois bien, » dit-elle. « C'est écrit, mais tu ne me feras pas céder. »« Je t'en prie, » lui dis-je, « sois raisonnable. Écoute-moi, tout le passé est oublié. Pourtant, tu le sais, c'est toi qui m'as perdu. C'est pour toi que je suis devenu un voleur et un meurtrier. Carmen, ma Carmen, laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. »« José, » répondit-elle, « tu me demandes l'impossible. Je ne t'aime plus. Toi, tu m'aimes encore, et c'est pour cela que tu veux me tuer. » Je pourrais bien encore te faire quelques mensonges, mais je ne veux pas m'en donner la peine. Tout est fini entre nous. Comme mon Rome, tu as le droit de tuer ta Romy. Mais Carmen sera toujours libre. Cali elle est née, Cali elle mourra. Tu aimes donc Lucas ? Lui demandai-je. Oui, je l'ai aimé, comme toi, un instant, moins que toi peut-être. À présent, je n'aime plus rien, et je me hais pour t'avoir aimé. Je me jetai à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosais de mes larmes. Je lui rappelais tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris de rester brigand pour lui plaire. Tout, monsieur, tout. Je lui offris tout, pourvu qu'elle voulût m'aimer encore. Elle me dit, « T'aimer encore, c'est impossible. Vivre avec toi, je ne le veux pas. » La fureur me possédait. Je tirais mon couteau. J'aurais voulu qu'elle eût peur et me demandât grâce. Mais cette femme était un démon. « Pour la dernière fois, » m'écriai-je, « veux-tu rester avec moi ?»« Non, non, non !» dit-elle en frappant du pied, et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée et la jeta dans les broussailles. Je la frappai deux fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup, sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarder fixement. Puis il devint trouble et se ferma. Je restai anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Puis je me rappelai que Carmen m'avait dit souvent qu'elle aimerait à être enterrée dans un bois. Je lui creusai une fosse avec mon couteau et je l'y déposai. Je cherchai longtemps sa bague et je la trouvai à la fin. Je la mis dans la fosse auprès d'elle avec une petite croix. Peut-être ai-je eu tort. Ensuite, je montai sur mon cheval, je galopai jusqu'à Cordoue, et au premier corps de garde, je me fis connaître. J'ai dit que j'avais tué Carmen, mais je n'ai pas voulu dire où était son corps. L'ermite était un saint homme. Il a prié pour elle. Il a dit une messe pour son âme. Pauvre enfant. Ce sont les Calais qui sont coupables pour l'avoir élevée ainsi. Fin du chapitre 3 de Carmen. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. À Copenhague, en août 2010. Chapitre 4 de Carmen par Prosper Mérimée. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. L'Espagne est un des pays où se trouvent aujourd'hui, en plus grand nombre encore, ces nomades dispersés dans toute l'Europe, est connu sous les noms de bohémiens, gitanos, gypsies, tzigoïnes, etc. La plupart demeurent, ou plutôt mènent une vie errante dans les provinces du sud et de l'est, en Andalousie, en Estramadure dans le royaume de Murcie, il y en a beaucoup en Catalogne. Ces derniers passent souvent en France. On en rencontre dans toutes nos foires du Midi. D'ordinaire, les hommes exercent les métiers de maquignon, de vétérinaire et de tondeur de mulets. Ils y joignent l'industrie de raccommoder les poêlons et les instruments de cuivre, sans parler de la contrebande et autres pratiques illicites. Les femmes disent la bonne aventure, mendient et vendent toutes sortes de drogues, innocentes ou non. Les caractères physiques des bohémiens sont plus faciles à distinguer qu'à décrire, et lorsqu'on en a vu un seul, on reconnaîtrait entre 1000 un individu de cette race. La physionomie, l'expression, voilà surtout ce qui les sépare des peuples qui habitent le même pays. Leur teint est très basané, toujours plus foncé que celui des populations parmi lesquelles ils vivent. De là le nom de Calais, les Noirs,

Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en septembre 2010.